Hein? Je suis chez Mouchko, je récupère ma Moscou. Moscou. Je récupère ma Moscou. Des fois en pétard, le flow est impeccable. Où je fume un pétard, on pétard. Toi t'as des gaines de techno. Je kick, je suis pas Vianney. Ton rappeur en Vito, moi perso, je vis bien. Vivé à char dans le Viano. Le gros a percé, apprécie que je précise que c'est le début. On est conscient, le constat. Toi t'as sucé des boules. Sous ton jean y'a un collant. Sale pute, t'as la Colombie. Toi tu n'es qu'un polar. T'as le son aïo et poli. Passe leur temps qu'à critiquer, pour payer c'est compliqué. T'as 30 ans passé, tu montes encore dans le bus et sans ticket. Ressons comme un jacquité, moi la haine j'ai d'acquitté. Remballe-moi ta peuf de merde, poto je vais pas Kiev. Ils parlent tous qu'en masse, ils disent on se connaît devant les fameux connards. Sacré Ardena qui va se faire péter cette année. Y'a de la consommable qui s'écoule constamment. Crochet qu'à son cheka, les snitch, les voisins te chiquent, m'allument les chicken, chica au checkar, ça devient radical. Fume le nerner, la fumée de fénaresse, je graille au marmara, je finis chez mère Malou. Mes putes savent comment procéder, aucune procédure, en DM j'ai trop cédé, disque d'or j'ai gros CV. Tu sais chez nous tout se vend, s'il y a rien ça vient sévir. Vous savez que nous savons que nos savoirs sont en sachet. Faire du son, je suis bon qu'à ça, rap ou un truc carcassable. J'ai des potes du bac à sable qui vendent du crack comme au cassin. Un bon terre, du bon café, dans ton cas je vais taffer, trop de pétasse qui passe, c'est que passager. Ils voudraient qu'on s'assagisse, ça et ça c'est sûr. Du succès sans cessu, les souillés c'est nécessaire. Au linge on l'a frappé ça. Si billard je m'en sors seul, je m'en sors seul. J'y grave le jaune et le soir ma Simpson. Katana d'un sensei, soupçon on a suster. Balance on best assister, sans besoin d'insister. Tu sais chez nous ça castagne, surtout si tu causes trop. Et même si tu es costaud, les balles te rendent constipé. Tu dirais les constipés, refoule de la bonne. Zippé t'écris de la merde, faut mettre un bon coup. Dans l'équipe que vrai, c'est car on parle à personne. C'est pas bébé va cacher le six coups devant les bleus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.